j'ai vu qu'elle avait un peu. Quand on s'est dit, à demain. L'amour c'est bien, ouais, mais pour l'argent c'est mieux. On s'est dit, y'a le benjamin. On marche droit, on veut être bien, ouais, mon vieux. Des fois on dérive, dérive du chemin. On fructifie, sinon on ne fera pas long feu. Comme un yébi, dans ma main. J'pourrais tout plaquer, passer comme un colombien. Faut pas s'inquiéter, j'suis dans le trafic aérien. Si j'prends ta vie en otage, je ne retiens que le bien. Les profs me guettaient, comme si j'valais rien. Les deux mains dans la merde, on n'est pas des galériens. Elles sont faites pour l'or, faites pour l'acier, valait rien. Les deux mains dans la merde, on n'est pas des galériens. Elles sont faites pour l'or, faites pour l'acier, valait rien. J'ai pas dormi de la nuit, j'suis resté à cogiter. J'ai vu les restes de ton cœur, quand partant la gauche t'annonce. Tu pas cogiter, peu de vérité au JT. BY sans phara, Grenoble, Benzel, Bourguiba. Ça donne fusion Gogeta, et ça commence à jeter. J'ai jamais fait de prison, quelques années société. C'est l'État qui veut nous ken, ouais, c'est la société. Quand on grandit le ventre vide, on vise que la satiété. Que veux-tu faire dans la vie? De la monnaie mon ami. Mais je veux pas faire comme les autres. Unhab, unfarah, oumi. Y'a les images qui défilent, Merco Blanco dans la ville. Je veux dire bye à la misère, que mes ancêtres soient ravis. Bang bang bang. Dans ses yeux j'ai vu qu'elle a fait un vœu. Quand on s'est dit, à demain. Mais retourne toi Tania Wallah Khiroumi. Ça vient Rabila Ali Adina. On marche droit, on veut être bien, et ouais mon vieux. Des fois on dérive, dérive du chemin. Abedi Ziyaba Wendir Khalif Niaoui. Mourir faire comme un bédé fait romain. Alloumi, cette dunia. ثنية صايبة نحنا نحب نولو غنية. شرو حربو ضرب البنية. وسع بيلك خويا شوية ولا تحشيلك. واللي غناك عطاك الكون يا الدنيا قصيرة. فما موت فما رب الكون. انتي تحب تعلي الصوت ناسي اللي انتي زبون. بابا الشبع منها كفوف لابيض ماء وشلون. امي بلا سامحني تعيش معايا برشا جنون. ولا ولا ولا ولا برجلي ماشي تعمل بريك تلقى روحك ما تسواشي. شوف لي اللي شبعك ليشي ديما مواصل نعيش بلاش فاصل. والدنيا ما تستناش وين بيت كاميسي ولابا. صلح في كلامي ايتلا كازا معايا خويا بيوي عملنا فازا. عبيت تعبت في الفلوس وهذه الخلاصة. يا بدا نتعب مخ حاير باهم دايخ ماني فاهم اللي صاير. انتي بغلي وزيد عايش مني انا غاير. لعبت فهمتني كان كيرات في يدي شتاير. بابا الفقر خايب حبي ما نحبش البلاي. توا قادر نعطيك كل البنانا. لعبوك سي بيان ومي بو لارجون سي ميو. و سي دي سيني يا روما جامع. الفلوس مصيبة ما توا هي توي. خلتني نبدل كومي نانانا. On fructifie sinon on ne fera pas long feu.